Wiman. Bonjour à vous tous, voici les grands titres de cette édition. La question des relations entre le Rwanda et le Burundi devrait figurer sur l'agenda du 20e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. C'est le souhait du président du parti Sawanya Afro-Debou Nyakuri. Mais pour le président du parti MRC, ce serait un amalgame que d'évoquer ce sujet avant les questions proprement burundaises, comme un code électoral consensuel, par exemple. Et les pays de l'EAC devraient amener Bujumbura à dialoguer avec ses opposants. 24 entités publiques accusent un préjudice de plus de 22 milliards de francs burundais au trésor de l'État. C'est la ministre de la bonne gouvernance qui l'a déclaré au cours d'une conférence de presse. Et dans la série de reportages personnalisés sur les femmes entrepreneuses, aujourd'hui, on vous parle d'une femme chauffeur qui fait le transport en commun à Makamba. Et dans la chronique santé, Dr Elie Mupera nous expliquera ce que c'est que la bromhidrose, qui est une maladie liée au dysfonctionnement de certaines parties du corps destinée à épurer les déchets. Rendez-vous à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le 20e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine est prévu le 1er février prochain à Arusha en Tanzanie. Ce serait l'occasion pour le parti Sawanya Afro-Debou Nyakuri d'étudier notamment la question en rapport avec les relations entre le Burundi et le Rwanda, ce qui pourrait par ailleurs faciliter la continuité du dialogue inter-burundais externe. Le président de ce parti, Kefani Wizi, estime que parmi les missions de l'EAC figure la recherche de solutions au conflit entre pays. Il affirme que le Rwanda a une part de responsabilité dans la crise au Burundi. Suivez. Le Rwanda a beaucoup participé à la déstabilisation de notre pays et cela n'empêche pas que ce sommet pourrait écouter le rapport du dialogue inter-burundais qui se déroule à Arusha pour prendre des orientations de mettre fin à ce dialogue qui risque de distraire certains. Mais aussi, dans ces derniers jours, nous avons appris que les agents DHR ont distribué des infirmières dans les cas de réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Nous aimerions que ce sommet sorte une déclaration pour condamner fortement ces agents d'une organisation onusienne qui contribue à la déstabilisation d'un pays de la sous-région. Et si la question concernant ces relations entre le Rwanda et le Burundi n'est pas étudiée, ce serait donc pour vous un échec? Vous savez que les transactions commerciales entre le Burundi et le Rwanda boitent. Et s'il advenait que ce sommet n'étudie pas cette question, vous conviendrez qu'il aurait manqué à ses obligations d'assainir la situation entre les pays qui la composent. C'est votre souhait donc que ces questions soit étudiée dans ce sommet? Nos souhaits, c'est que la question du conflit entre le Burundi et le Rwanda soit étudiée prioritairement par le 20e sommet des chefs d'État de l'EAC, mais aussi qu'il donne des orientations sur le dialogue inter-burundais et condamne fermement ces agents de HCR qui contribuent à la perturbation de la paix et de la sécurité dans notre pays. C'était le président du parti Sawanya Afro-Debou Nyakuri Kefa Niwizi. On n'a pas pour l'instant de réaction du ACR. Et pour le parti MRC Lorenzo Nguemero, il ne faut pas mêler les choses en parlant de la question des relations entre le Burundi et le Rwanda. Juvenal Ngorwanoubusa, président de ce parti, trouve que les pays membres de l'EAC devraient aider à ce que le Burundi accepte le dialogue avec ses opposants et qu'il y ait une constitution et un code électoral consensuel avant les prochaines élections. Suivez le professeur Juvenal Ngorwanoubusa. Ses propos ont été recueillis par Léon Suitaliou. Le premier espoir que nous avons, c'est qu'au moins cette réunion du 1er février puisse se tenir. Deuxièmement, nous demandons, si jamais cette réunion se tient, au chef d'État de la région d'instruire le gouvernement du Burundi, de tenir compte des vraies réalités du pays et d'organiser des élections apaisées et crédibles, en particulier en négociant d'abord la constitution qui exclut certains des votes, en discutant sur ce code électoral que le gouvernement vient de mettre en place sans concertation, et donc de demander au gouvernement du Burundi de décélérer et de se retrouver sur la table des négociations avec son opposition. Est-ce que ce sommet peut influencer pour que la constitution burundaise et le code électoral soient changés? Ce sont les Burundais eux-mêmes qui demandent que la constitution de 2005 soit rétablie. Ce sont les Burundais eux-mêmes qui demandent que le code électoral soit le fruit du consensus. Les pays de la région, ce que nous leur demandons, c'est de ramener à la raison le gouvernement du Burundi pour que le pays ne connaisse pas les pires moments de son histoire. Il y a la question en rapport avec les relations entre le Burundi et le Rwanda, et le gouvernement réclame que cette question soit vidée avant de continuer le dialogue externe. Qu'est-ce que vous en dites? Il ne faut pas mêler les choses. La question du Rwanda n'est pas une question à part. C'est un pays de la région, c'est un pays voisin comme les autres. Nous pensons que du moment que le Rwanda fait partie des pays de la région de l'East African Community et que le Rwanda participera à ces assises, il n'y a pas de raison que le Burundi en fasse une condition alors qu'ils peuvent mettre cette question à l'ordre du jour comme ils pourraient bien en mettre d'autres. Le professeur Juvenal Ngorwanoussa, président du parti MRC. Et plus d'un milliard de francs burundais, c'est le préjudice causé par plus de 100 dossiers de cas de corruption enregistrés au cours du premier semestre 2018-2019. Lors de la présentation des réalisations du ministère de la Bonne Gouvernance, la ministre Jeanne Kagayo a déclaré que le préjudice déjà réparé est de 230 millions seulement. Elle a tenu à souligner que 24 entités publiques ont été contrôlées et le préjudice en jeu est de plus de 22 milliards de francs burundais. Également dans l'actualité, plus de 30 jeunes sont en train de bénéficier d'une formation sur la gestion des projets. Comme l'explique le représentant de la société Kamensi Burundi, cette formation va aider les jeunes dans la promotion de l'entrepreneuriat. C'était lors du lancement officiel du Diaspora Education Program ce mardi. Suivez Bonne Aventure. Ngenge Terezi. On a initié ce programme où nous appelons chacun où il se trouve, selon ses capacités, de venir et partager l'expérience avec nos jeunes ici, surtout ceux qui sont à la recherche d'emploi. Pour le moment, on est presque au commencement, mais on a parvenu d'abord à collecter les effectifs des jeunes. Ces jeunes-là viennent de toutes les provinces du pays et qu'ils puissent créer leurs propres emplois. Et nous voulons que tous les membres de la diaspora puisse faire quelque chose pour les enfants du pays. Et la majorité espère qu'ils vont avoir l'emploi à partir de l'État. C'est pour le moment que nous allons aussi essayer de les motiver pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs propres emplois, même aussi les aider à trouver ceux qui peuvent financer leurs initiatives. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La société Burundi Cleaning Company, chargée d'enlever les immondices dans la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, déplore le fait que les autorités à la base ne contribuent pas à la sensibilisation de la population en ce qui concerne l'enlèvement des immondices dans leur ménage. Cette société explique que si tous les citadins signaient leur contrat d'enlèvement des immondices avec cette société, les dépotoirs opportunistes qui sont éparpillés partout dans le centre-ville n'auraient plus de place. Patrice Magnus-Nyandoui, directeur adjoint et porte-parole de cette société, dit que l'obstacle auquel sa société fait face est le manque de dépotoirs. Suivez-le. Il advient que lorsque tout le monde n'a pas contracté l'enlèvement d'immondices et ordures ménagères, ceux-là, ils vont jeter leurs immondices ici et là à partir des gens qu'ils appellent pour les emporter. Mais comme la sensibilisation, surtout du côté des administratifs à la base, ici je vais dire l'administration collinaire, n'a pas été tout efficace, alors ces gens-là qui les portaient sur les têtes, qui n'ont pas d'accès, même les capacités d'apporter ces immondices, ils vont évidemment les jeter ici et là. C'est ainsi que vous voyez des dépotoirs qui se sont invités ici et là. C'est que lorsque tout le monde aura un contrat, il n'aura plus besoin d'appeler quelqu'un qui porte les immondices sur la tête et de les jeter ici et là. Cette façon. Et les personnes qui habituellement accédaient au stade sans leur ticket d'entrée, comme les enfants accompagnant leurs parents ou les hautes autorités et leurs gardes du corps, devront obligatoirement payer pour assister au dernier match de qualification pour la CAN 2019 entre le Burundi et le Gabon au mois de mars prochain. Le président de la Fédération burundaise de football l'a dit ce lundi soir lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Reverien de Kourio a indiqué que les prix des tickets ont été revus à la hausse afin de limiter les entrées et mieux assurer la sécurité au stade. Suivez-le. Elle a été baptisée. C'est la femme du nom de Nibitege Caspeciose, une cinquantaine. Vous voudrez bien nous excuser pour ce petit souci technique. Je vous disais que les personnes qui habituellement accédaient au stade sans leur ticket d'entrée, comme les enfants accompagnant leurs parents ou les hautes autorités et leurs gardes du corps, devront obligatoirement payer pour assister au dernier match de qualification pour la CAN 2019 entre le Burundi et le Gabon. Au mois de mars prochain, le président de la Fédération burundaise de football l'a dit ce lundi soir lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Reverien Ndikuriyo a indiqué que les prix des tickets ont été revus à la hausse afin de limiter les entrées et mieux assurer la sécurité au stade. Suivez-le, il est traduit par Evariste Nzikobanyanga. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité du stade et ses environs. Les personnes qui ne possèdent pas de ticket d'entrée ne pourront pas assister au match entre le Burundi et le Gabon, très attendu par les amateurs du ballon rond. Les préparatifs sont en cours. Il y a quelques avenues de la capitale qui seront fermées ce jour-là. Dans le récent match qui nous a opposés avec le Mali, nous avons constaté qu'il y a des individus qui achetaient des tickets dans le but de venir au stade avec leurs enfants, ce qui provoque le débordement à l'intérieur du stade. Cette fois-ci, l'accès est réservé à ceux qui auront acheté les tickets. Les tickets seront vendus suivant les places disponibles. Ce sont des tickets originaux, importés de l'étranger, qu'on ne peut pas imiter. Les tickets seront vendus le matin dans différents points de vente. Les agents de sécurité vont bientôt commencer une formation. Aucun individu ne va accéder au stade. Nous lançons un appel vibrant aux autorités de faciliter le travail des chargés de la sécurité ce jour-là, car chacun va s'asseoir selon le montant de son paiement. Les prix des tickets ont été revus à la hausse. Sur le pourtour du stade, c'est 5 000 francs burundais. Le tribune A et B est réservé pour 20 000 francs burundais. Le paiement exigé pour les tribunes VIP est de 50 000 francs burundais. La place qu'on appelle VIP est actuellement reconnue Double VIP, qui est réservée au ticket sponsor de 500 000 francs burundais et plus. À la source, reportage. Aucun métier n'est réservé à un genre bien déterminé. Spéciose Niwi Tegeka, une femme veuve de la commune et province Makamba, l'a bien compris, puisqu'elle fait le transport en commun pour parvenir à faire vivre sa famille. Pour elle, à part que certaines femmes et filles se sous-estiment, elles sont capables de tout. Selon le conseiller chargé du développement à la commune Makamba, de telles femmes devraient être prises comme leaders et exemples pour d'autres. C'est un reportage signé Placide Niyomongere. Elle a été baptisée. Nyamitwe. C'est la femme du nom de Nibitege Caspeciose, une cinquantenaire de 7 enfants et habite le chef-lieu de la commune Makamba. Elle témoigne vivre du transport en commun à bord d'une véhicule type Probox naviguant dans les voiries de Makamba, Rutana et Gitega ailleurs. Ça fait 2 ans et demi que je fais du transport en commun. À partir du parking de Makamba, je me rends à Mabanda, Rutana, Gitega et ailleurs. Si on a besoin de moi, ma voiture est louée. Je stationne sur le parking Makamba et les rabatteurs me trouvent des clients. Spéciose fait savoir qu'elle a pensé à ce métier de transport en commun après avoir quitté le commerce où elle louait des véhicules pour le déplacement de ses marchandises. Jadis, j'étais commerçante. Je procédais à la location des véhicules pour le déplacement de mes marchandises. J'ai eu l'idée d'acheter ma propre voiture pour que je déplace moi-même mes produits. Par après, j'ai constaté que ça ne suffit pas. J'ai décidé de faire le transport en commun. Spéciose se présente sur le parking de Makamba, dit-elle à 4 heures du matin pour rentrer la route vidée de clients. Je viens très tôt. À 4 heures du matin, je suis déjà là. Si je ne vois plus de clients en cours de route, comme ça, je rentre à la maison en provenance de Nyanzalake, Kitega ou Lutana. Je n'ai jamais interrompu mes circulations par manque de carburant. Je le consomme tel qu'il se présente et je sais comment faire des calculs pour sortir gagnante. Hardy, spéciose Nibitegeka, dit déjà acquérir une expérience dans le remplacement des pneus en cas de panne et le chargement des bagages de ses clients. En cas de panne, je maîtrise les mécanismes de remplacement de pneus pour enfin continuer mes trajets. Si la panne dépasse mes compétences, je demande l'intervention auprès de mes collègues. Si un client assure lui des bagages, nous collaborons pour le chargement. Je ne me considère pas comme femme, mais comme tous autres chauffeurs. C'est un plaisir d'avoir une femme chauffeur s'occupant du transport en commun, dit Varansa Girigé, nommé Ramadan, le responsable du parking de Makamba, qui indique que même d'autres femmes sont les bienvenues sur ce parking. C'est une satisfaction totale de voir une femme courageuse sur notre parking qui fait ce que nous faisons en tant qu'hommes. Nous invitons d'autres femmes à se lancer massivement à ce genre de métier. Tu vois que même Spéciose fait convenablement son travail qui était jadis réservé aux hommes. À plus d'une année de service, il a déjà une expérience avérée dans le transport en commun. Selon Spécial Zenibite Geka, les femmes devraient vaincre la peur pour embrasser différents métiers. Nous aussi, nous pouvons, poursuit-elle. Le problème qu'il y a, c'est que les femmes se sous-estiment, mais ça ne devrait pas être le cas. Nous aussi, nous pouvons. Dans tout métier, l'expérience s'acquiert sur terrain. Seulement, il faut vaincre la peur et mettre en tête que nous pouvons. Même son de cloche au niveau de l'administration communale d'Agijima Nassilidi, conseiller chargé du développement à la commune et Makamba, trouvait que Spéciose est peut-être prise comme leader. La commune accueille favorablement cette initiative de ces femmes qu'on peut même appeler des femmes leaders. Le fait que ces femmes participent dans des métiers variés, c'est-à-dire que ces femmes contribuent aussi dans le développement des ménages et par conséquent aussi dans le développement du pays. Pour les femmes qui sont encore en arrière, pouvons leur donner le conseil de participer dans n'importe quel métier sans distinction. Ce conseiller communal appelle d'autres femmes à prendre comme leader les femmes qui sont déjà en action pour ne plus se mettre à l'écart de tout métier afin de s'auto-développer. Radio Isanganiro, chronique santé. La bromidrose est une maladie due généralement à un dysfonctionnement de certaines parties du corps destinées à épurer les déchets. Le dermatologue Elim Opera explique que dans ce cas, il y a accumulation de déchets qui occasionnent une mauvaise odeur au niveau des aisselles. Docteur Mopera fait savoir que la bromidrose peut toucher toutes les personnes et souligne toutefois que certains traitements comme les stratégies thérapeutiques peuvent mettre fin à cette odeur. Les détails dans cette chronique sont signés Ornella Mucho. Plusieurs causes, dont un dysfonctionnement des parties destinées à épurer les déchets de l'organisme, peuvent occasionner une mauvaise odeur, comme l'explique le dermatologue Eli Mupela. Et dans l'organisme, il y a des parties qui sont destinées à détoxifier, à épurer les déchets de l'organisme qui vont être éliminés sous forme de sel, d'urine ou alors de sueur. Quand ces organes ne fonctionnent pas assez, il va y avoir une accumulation de déchets toxiques. Il y a également une prolifération sur la peau. Il existe une flore bactérielle, c'est-à-dire des micro-organismes. Il y a des micro-organismes qui sont utiles à notre vie au quotidien et il y a d'autres qui sont nuisibles, qui nous causent. Et donc, ces micro-organismes peuvent changer de propriété, devenir nuisibles et donc faire un très mauvais métabolisme qui occasionne l'élimination de produits très nauséabondes. Une fois que la personne touchée par la bromidrose consulte un médecin, le traitement divers lui sont recommandés selon toujours Dr Mopela. Pour traiter, il y a des traitements divers, des stratégies thérapeutiques qui sont diversifiées en passant par les déodorants, les parfums. Et ça peut des fois mettre fin à ces problèmes, mais des fois on peut recourir à des médicaments. Il y a des médicaments qui malheureusement ne sont pas disponibles sur place et d'autres techniques, notamment de l'électrothérapie, auxquelles on peut faire le recours, donc dont le plateau technique sur place n'est pas à même d'assurer. Et donc ceci fait qu'on peut leur recommander des médicaments ou des stratégies qu'ils peuvent faire à l'extérieur du pays. Le dermatologue Mopera explique qu'une hygiène tant corporelle que vestimentaire est l'une des pratiques à adopter pour se prévenir de la bromhydrose. Et sur le plan de la prise en charge, s'il n'y a pas la prise en charge, et d'abord la prévention et réside d'abord et avant tout sur la promotion de l'hygiène, aussi bien corporelle que vestimentaire, une alimentation saine et équilibrée et la pratique régulière du sport, parce que le sport permet d'aérer le corps, ça permet une remise en condition et un dégagement et une évacuation des déchets toxiques de l'organisme. Certaines personnes ont eu l'impression qu'ils ont de la bromhydrose alors que ce n'est pas réel. Docteur Eli Mupera explique que cette mauvaise odeur subjective est traitée par psychothérapie. Ainsi se referme ce journal. Merci Ornella Mucho. Merci Docteur Mupera pour ces éclairages. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal, qui a été mis en onde par Alphonse Koubguimana. Il est stagiaire à notre station. Au micro Jean Bosco Douimana. Un bon après-midi à tous.